et craignez de rompre le lien de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes le livre d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah azza wa jalla a dit « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons certes destiné pour la géhenne beaucoup d'hommes et de djinns, des créatures invisibles. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, et même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Allah nous expose ainsi, dans ce noble verset, que l'insouciance est une caractéristique des mécréants, surtout lorsqu'il s'agit de profonde inattention. Allah Azza wa Jalla a en effet dit dans son noble livre, le Coran, « وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْوَعِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Et l'agonie de la mort vint, apportant avec elle la vérité. Il sera ainsi dit aux morts, voilà ce dont tu t'écartais. Et on soufflera dans la trompe le jour de la résurrection. Voilà donc arrivé le jour de la menace. Chaque âme viendra alors accompagnée d'un conducteur et d'un témoin, deux anges, l'un conduisant la personne vers le lieu du grand rassemblement, et l'autre qui témoignera de ses actions passées. Et il sera dit à l'homme, tu vivais certes dans l'insouciance et étais indifférent à ce jour. Nous allons donc ôter le voile qui recouvrait ta vue et ton ouïe, et ta vue va devenir aujourd'hui telle du fer. Donc ces gens inattentifs ne se réveilleront de leur insouciance que lorsque les affres de la mort se jetteront à eux. Et les voiles qui recouvraient leur vue et leur ouïe seront alors ôtés. Et c'est ainsi que toutes les choses auxquelles ils étaient inattentifs se retrouveront exposées de façon manifeste à leur cœur. Ô vous les gens, certes la plus grande des affaires à laquelle les gens sont inattentifs concerne le jour de la reddition des comptes, le jour du jugement dernier. C'est pour cette raison que les péchés sont commis et que les liens de parenté sont coupés. Et c'est aussi à cause de cela que les gens commettent toutes sortes d'atrocités et de crimes. C'est ainsi que le Seigneur de l'univers, Tabaraka wa Ta'ala, a dit « Iqtaraba linnasi hisabuhum, wahum fi ghaflatin mu'aridun, ma ya'tihim min dhikri min rabbihim muhdathin » إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. L'heure du règlement des comptes approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ces derniers s'en détournent. Aucun nouveau rappel ne leur parvient de la part de leur Seigneur, sans qu'ils n'y prêtent aucune attention, malgré qu'ils l'entendent, et se complaisent dans leur amusement, leur cœur distrait, et les injustes teintes des conversations secrètes, et dire « Ce n'est là qu'un humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie, alors que vous voyez parfaitement clair ?» Tous ces versets montre que l'insouciance est la cause de la disparition de tout le bien sur terre. C'est donc en raison de l'inattention des gens face au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala que ces derniers s'en détournent pour aller se distraire. Ainsi, à chaque fois qu'un rappel venant d'Allah azza wa jalla vient à eux, ils y répondent par l'amusement et la futilité. Dès qu'un rappel provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala venait à eux par le biais d'un messager, ils rétorquaient qu'il ne s'agissait que d'un simple être humain, voulant à travers cela recouvrir et cacher les réalités et les vérités de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hal hadha illa basharun mithlukum, ce n'est là qu'un homme semblable à vous. Donc tout ce qui est arrivé à ces polythéistes n'était dû en réalité qu'à leur insouciance quant à leur rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'Allah azza wa jalla a dit dans son noble livre, le Coran, « Inna jahannama kanat mirsada, littagina ma'aba, labithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba, illa hamiman wa ghassaqa, jaza'an wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba, wa kadhabu bi ayatina kidhaba. » L'enfer demeure aux aguets, et il est un refuge pour les transgresseurs. Ces derniers y demeureront pour l'éternité. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une bouillante et du pu, comme rétribution équitable, car ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes, et ne cessaient de démentir nos versets et nos signes. Cela, dû au fait qu'ils ne croyaient pas au jour de la reddition des comptes. Ils démentirent ainsi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et méritèrent, à juste titre, de subir son châtiment, comme il nous en a informé. Et Allah a dit dans son noble livre, « Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudhillaka an sabilillah, inna alladhina yadhilluna an sabilillah, lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. » Ô Daoud, David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc parmi les gens, en toute vérité et justice, et ne suis pas les passions, sinon été s'égareront du sentier d'Allah, car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Ô vous les gens, la reddition des comptes sera terriblement dure pour chaque action, que celle-ci soit grande ou petite. Il est donc obligatoire d'en avoir peur par Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa 'adhabnaha 'adaban nukra fa dhaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'adda Allah lahum 'adaban shadida. Et combien de peuplades refusèrent de se soumettre au commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur réclamons alors leur compte dans cette vie d'ici-bas avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment épouvantable. Ils goûtèrent ainsi à la conséquence de leur comportement outrancier et le résultat final de leur action fut leur perdition. Et Allah a préparé pour eux un dur châtiment dans l'au-delà. Ce qui nous intéresse ici est que le châtiment d'Allah est effroyable. Et que celui qui aura à rendre des comptes auprès du Seigneur de l'univers, nul doute qu'il sera anéanti. Et il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. D'après le récit de Aïcha radhiyallahu anha, que celle-ci récita un jour la parole d'Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra le registre de ses œuvres dans sa main droite, il sera alors soumis à un jugement facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au Aïcha, il s'agira de l'exposition des œuvres. Mais quiconque aura à répondre de son décompte sera perdu. Cela posa alors problème à Aïcha, qui lui dit ensuite, Allah azza wa jalla n'a-t-il pas dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera alors soumis à un jugement facile. Il répondit, il s'agira de l'exposition des œuvres. Et l'exposition des œuvres consistera à ce qu'Allah rapprochera vers lui certains de ses serviteurs croyants, puis il leur demandera, n'as-tu pas commis tel péché? N'as-tu pas commis tel et tel péché? N'as-tu pas commis tel et tel autre péché? Jusqu'à ce que la personne se croira anéantie. Puis il lui dira, je te les ai dissimulés au regard des gens dans la vie d'ici-bas, et je te les pardonne aujourd'hui. Voilà en quoi consiste la couverture d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ces personnes. Mais quant à celui à qui on exigera de rendre des comptes et qui aura à y répondre, courra à coup sûr à sa perte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint, le Coran, « Lilladhina stajabu li rabbihimul husna, walladhina lam yastajabu استجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Ceux qui auront répondu à l'appel de leur Seigneur auront une excellente récompense. Mais quant à ceux qui ne lui auront pas répondu, ils espéreront au jour de la résurrection pouvoir posséder l'ensemble de ce qui se trouve sur la terre et autant encore, afin de le donner en rançon pour sauver leur peau du châtiment de l'enfer. Ceux-là rendront des comptes de la plus mauvaise des manières et leur refuge sera la géhenne. Et quel détestable endroit! Voilà en quoi réside la dureté de la reddition des comptes. Car il sera question à ce moment de s'expliquer. Donc ce genre de personne aura un terrible décompte, une dure reddition de ses péchés, petits ou grands. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyam fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khaldal atayna biha wa kafa bina hasibin. Et nous placerons les balances en toute justice et équité au jour de la résurrection. Nulle âme ne sera alors lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Toute action accomplie, fût-elle à l'échelle d'un grain de moutarde ou d'une particule de poussière, sera présentée ce jour-là. Puis si l'individu aura à répondre de celle-ci, il sera perdu. Et dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, dans le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'Allah révéla sa parole: Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera assurément des comptes, puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vinrent à lui, apeurés et inquiétés de ce dont informait ce verset. Ils lui dirent ainsi: « Ô messager d'Allah, nous avons été commandés d'accomplir certaines actions que nous sommes en mesure d'accomplir. Or il vient de descendre vers nous un verset auquel nous sommes incapables de répondre. » Il leur avait été en effet commandé d'accomplir le djihad, la guerre sainte, ainsi que telle et telle autre action. Mais ces derniers avaient eu peur que leur décompte n'allait s'endurcir du fait que même leurs actions intérieures cachées seront prises en compte lors de leur reddition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: voudriez-vous dire, comme ont dit les gens du livre, les juifs et les chrétiens, nous avons entendu et nous avons désobéi? Dites plutôt, nous avons entendu et nous avons obéi. Ils dirent alors: nous avons entendu et nous avons obéi. Ils avaient ainsi obéi aux ordres d'Allah et s'étaient asservis et soumis à sa législation. À la suite de quoi Allah révéla: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui venant de son Seigneur, de même que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils dirent: nous avons certes entendu et obéi. Ô notre Seigneur, nous implorons ton pardon. Et c'est vers toi qu'est le retour. Ce qui nous intéresse ici est que ces gens raisonnés et réfléchis, ridwanullahi alayhim, qu'Allah les agrée, avaient saisi et compris que la reddition des comptes sera terrible pour l'homme, et que s'il lui sera exigé de rendre des comptes, alors celui-ci courra à sa perte, car l'être humain ne cesse de commettre des péchés nuit et jour, excepté celui qu'Allah aura préservé. Comme cela a été rapporté dans le hadith Qudsi, dont le sens et la parole émanent d'Allah: « Ô mes serviteurs, en vérité, vous ne cessez de fauter de nuit comme de jour. Cependant que je pardonne tous les péchés, demandez-moi donc que je vous pardonne, je vous pardonnerai certainement. » Donc si Allah, subhanahu wa ta'ala, ne couvrira pas l'individu en lui dissimulant ses péchés le jour du jugement dernier, nul doute que ce dernier sera anéanti. Allah azza wa jalla a dit dans son livre saint: « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le registre de chacun le jour des comptes. Tu verras alors les criminels effrayés à cause de ce qu'il y est écrit. Et ces derniers diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nous mettre de mentionner de péchés petits ou grands. Ils trouveront ainsi exposé devant eux tout ce qu'ils auront accompli de leur vivant sur terre. Et ton Seigneur ne laissera personne. Et il est possible qu'une personne aura à rendre des comptes au sujet d'un simple chat à qui elle aura fait du mal. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'après Ibn Omar radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, une femme sera châtiée au jour du jugement dernier à cause d'une chatte qu'elle séquestrait. Elle ne la nourrissait pas, ni elle ne la breuvait, mais elle ne fit que la séquestrer, ne la laissant même pas se nourrir des insectes qui rampaient au sol. Peut-être qu'il sera exigé d'une personne de rendre des comptes juste à cause d'un simple siwek, une petite brindille d'arbre avec laquelle on se cure les dents, puis qu'il soit anéanti. Il a ainsi été rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari, d'après Iyas ibn Tha'lab al-Harith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aura pris quelque chose qui appartient à un muslim sans aucun droit, Allah le fera entrer en enfer et le privera du paradis. Les gens dirent: ô messager d'Allah, même si cela concernera une chose infime, il répondit: quand bien même il s'agirait d'un siwek. Il est également possible qu'un homme rendra des comptes, à la suite de quoi toutes ses bonnes œuvres disparaîtront et ses mauvaises actions s'alourdiront infernalement. Comme cela a été évoqué dans le hadith rapporté par l'imam muslim, dans son recueil de récits authentiques, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: savez-vous qui est le ruiné? Les compagnons dirent: chez nous, le ruiné est celui qui n'a plus aucun sou ni bien. Il dit alors: le vrai ruiné est celui qui se présentera au jour de la résurrection avec un nombre colossal de bonnes actions, mais qui aura néanmoins frappé un tel et fait couler le sang d'un tel et aura pris injustement le bien d'un tel. On prendra alors de ses bonnes actions pour les mettre sur le compte de celui-ci, et on en prendra d'autres pour les mettre sur le compte de celui-là, et ainsi de suite. Puis lorsqu'il ne lui restera plus aucune bonne action, on prendra des mauvaises actions de ces gens qu'on mettra sur son compte. Et il est possible qu'un individu rendra des comptes à propos d'une petite parcelle de terre, ne serait-ce que de la taille d'un empan, c'est-à-dire une vingtaine de centimètres, en conséquence de quoi la terre se resserra sur lui, dans sa tombe, sous cette terre. Quiconque parmi vous a causé un préjudice à son frère, qu'il répare donc sa faute dans cette dunya, cette vie d'ici-bas, avant que ne vienne un temps où ni dirham ni dinar ne seront utiles en quoi que ce soit. C'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la reddition des comptes sera terrible. Et elle le sera davantage lorsqu'il s'agira de répondre du sang des gens qui a été coulé, le sang des musulmans, ainsi que de leur bien et de leur honneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le muslim est sacré et interdit aux musulmans son sang, ses biens et son honneur. Que l'homme fasse donc ses propres comptes de lui-même avant qu'il ne lui soit demandé de les rendre, et qu'il fasse le bilan de ses actions avant qu'on ne les lui pèse sur la balance. Car il est question aujourd'hui d'accomplir des actions sans avoir à rendre de compte, tandis que demain il s'agira de rendre des comptes sans qu'il soit possible d'accomplir quoi que ce soit, comme cela a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Et nous placerons les balances en toute justice et équité au jour de la résurrection. Nulle âme ne sera alors lésée en rien. Ce jour-là, aucune injustice ne sera commise. Car celui qui fera les comptes n'est autre que le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Les comptes seront donc précis et établis à la perfection. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. C'est certes vers nous qu'est leur retour, puis c'est ensuite à nous qu'ils devront rendre des comptes. الله دي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans la moindre preuve, celui-là aura à rendre des comptes à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera les mécréants et fera leur compte avec une extrême sévérité, c'est-à-dire qu'il leur sera exigé de se justifier de leur polythéisme lors de leur décompte, contrairement aux croyants dont la reddition se fera plus facilement, d'après ce qui a été évoqué dans le précédent récit de Aïcha radiallahu anha. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne retarde pas systématiquement la reddition des gens pour le jour du jugement dernier. En effet, il est possible qu'Allah précipite en partie le décompte d'un individu dans cette dunya, ici-bas, en lui rendant par exemple la vie exiguë et désagréable. Celui-ci vivra alors une vie pleine de gêne, de malheur et de trouble dans ce bas monde, en conséquence des péchés qu'il aura commis. Et ceci ne sera qu'une avance de ce qu'il subira plus tard. Allah en effet dit « Wa ma asabakum min musibatin, fa bima kasabat aydikum, wa yafu an kathir » Et tout malheur qui vous atteint n'est dû qu'à ce que vos mains ont acquis. Cependant, il, Allah, pardonne beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, la vie de ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Ceci en comparaison avec l'au-delà, mais quant au mécréant, sa vie ici-bas est en réalité pleine de gêne. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam se trouve dans une lumière venant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis et s'opposent au rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Et il a également dit à son sujet, c'est-à-dire au sujet du mécréant, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. C'est comme s'il tombait du haut du ciel, puis que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un endroit très éloigné. Il se peut donc qu'une personne se fasse châtier dans ce bas monde d'une quelconque façon, et de se faire en quelque sorte juger prématurément. Mais le véritable jugement et le vrai règlement des comptes aura lieu le jour du jugement dernier. Et il se fera beaucoup plus rapidement. Il en est ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Et nous avons lié au cou de chaque être humain son œuvre, ses actions. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un registre dans lequel ses œuvres seront inscrites, qu'il trouvera déroulé. Puis il lui sera dit, lis ton livre, tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Il suffira pour être son propre comptable, par le biais de ses membres, sa langue et toutes les autres parties de son corps. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, le jour de la résurrection, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés et dirigés en direction du feu de l'enfer, on arrêtera ensuite les plus avancés d'entre eux afin que les plus reculés les rejoignent. Puis une fois qu'ils seront tous arrivés, leurs oui, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront alors à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous retournerez. Puis il sera dit, vous ne pouviez vous cacher, au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez plutôt qu'Allah ne savait que peu de choses de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné jusqu'à être du nombre des perdants. Et les mécréants espéreront même que soit précipité sur le châtiment. Aussi douloureux soit-il, avant que ne vienne l'heure du règlement des comptes. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et ils, les mécréants, dirent, ô notre Seigneur, précipite sur nous notre part de châtiment avant l'avènement des comptes. Endure donc avec patience, toi Mohammed, quant à ce qu'ils disent, et rappelle-toi ce qu'a enduré notre serviteur Daoud, David, le doté de force. Il était certes plein de repentir à Allah. Allah exhorta ainsi son prophète à patienter sur ce que les mécréants disaient, car leur état sera tel qu'Allah en a informé à leur sujet, à savoir que leur peur d'avoir à rendre des comptes sera bien plus terrible que celle d'avoir à subir le supplice, alors que leur décompte n'aura de finalité que de devoir subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque aura à répondre de ses actions lors du décompte sera fatalement châtié. Certes, la reddition des comptes auprès d'Allah sera une effroyable épreuve pour l'être humain, que les péchés de ce dernier soient grands ou petits. Et dans le hadith, nul ne perdra pied le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé au sujet de quatre choses: à propos de son âge et ce qu'il en aura fait, à propos de sa jeunesse et comment il en aura profité, à propos de son argent et comment il l'aura obtenu et dans quoi il l'aura dépensé. Il s'agit là de questions. Si l'on cherchait véritablement à y répondre avec la plus grande précision, l'homme serait assurément perdu. Et à propos de sa science et comment il l'aura utilisée, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala y renonçait par miséricorde de sa part. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Puis il leur sera dit, le jour de la résurrection, arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Ceci pour la simple et bonne raison que leur décompte sera plus léger et plus facile, contrairement aux riches dont le décompte sera plus chargé et plus dur, quand bien même il s'agirait d'un croyant. Que dire donc s'il s'agirait d'un mécréant? Le supplice d'Allah sera assurément terrible. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawm tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allah sari'u al-hisab. Puis il sera dit, le jour de la résurrection, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Allah, l'unique, le dominateur. Aujourd'hui, chaque âme va être rétribuée selon ce qu'elle aura acquis de son vivant. Nulle injustice aujourd'hui. Certes, Allah est prompt dans les comptes. Aucune lenteur ni retard ne seront constatés dans son décompte. Il n'y aura donc, le jour de la résurrection, aucun retard ni lenteur quant à rendre justice à l'opprimé au sujet des préjudices qu'il aura subis de la part de l'oppresseur. Car il est possible, dans la vie d'ici-bas, que celui qui a été victime d'une injustice aux yeux des gens soit ballotté et renvoyé tantôt à tel endroit et tantôt à tel autre endroit, et que les réparations de l'injustice dont il a été victime soient retardées et reportées d'un tribunal à un autre et d'un juge à un autre, et ainsi de suite. En revanche, le jour du jugement dernier, les décomptes seront des plus rapides. Ne savent-ils donc pas que le décompte des actions effraie les croyants? Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Ceux qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur et qui croient au verset et au signe de leur Seigneur et qui n'associent rien à leur Seigneur dans leurs adorations, et qui partagent et distribuent de ce qui leur a été accordé, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à l'idée qu'ils retourneront vers leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers l'accomplissement de bonnes œuvres et ils sont les premiers à les accomplir. Leurs cœurs sont ainsi remplis de crainte et ils ne cessent d'avoir peur malgré les bonnes œuvres qu'ils accomplissent. Quel devrait donc être l'état de ceux dont les actions sont mauvaises? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, décrivant ceux qu'il protégera subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, en raison de la peur qu'ils avaient d'avoir à lui rendre des comptes, ainsi que de subir son supplice. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, ô toi Muhammad, est la vérité, est-il semblable à un aveugle? En vérité, seuls les gens doués de raison se rappellent, ceux qui remplissent leurs engagements envers Allah et qui ne violent pas leur pacte, et qui maintiennent et entretiennent ce qu'Allah a commandé de maintenir et d'entretenir, les liens de parenté, et qui redoutent leur Seigneur et craignent que la reddition de leur compte ne se passe mal. Ils redoutent donc le jour de la reddition de leur compte, un jour effrayant, et le décompte, il sera minutieux. Et il sera possible qu'une personne soit amenée au jour de la résurrection pour être jugée, puis qu'elle rende des comptes et que soient pesées ses actions, petites et grandes, et que celles-ci ne pèsent, au final, auprès d'Allah, même pas le poids d'un grain de moutarde. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous leur assignerons aucun poids au jour de la résurrection. Et dans le récit prophétique, on amènera un homme corpulent au gros ventre le jour de la résurrection, qu'il ne pèsera auprès d'Allah même pas le poids d'une aile d'un moustique. Il sera jugé selon ses œuvres qui lui seront rappelées, auxquelles il devra répondre. Celles-ci seront ensuite transformées en poussière éparpillée. Tel sera le cas du mécréant. Que le croyant ait donc peur de cela, comme en ont eu peur les salafs, les prédécesseurs de la communauté, c'est-à-dire les compagnons, les ridwanullahi alayhim. Les œuvres des gens qui passeront avec succès l'étape des règlements des comptes le jour du jugement dernier sont des œuvres pieuses. Inna lil muttaqina mafaza. Quant aux pieux, ce sera assurément pour eux une réussite. Il s'agit là du cas des gens de piété, dû à leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en raison de cette peur qu'ils ressentaient dans leur vie passée qu'ils seront sauvés de l'épreuve des comptes d'Allah. Hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Il leur sera accordé au paradis des jardins et des vignes, ainsi que des belles femmes au sein bien arrondi et d'une égale jeunesse, de même que des coupes débordantes de liqueurs. Là-bas, ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Qu'il s'agisse de futilité, de vacarme, de dérangement, ou bien juste de voix élevée, absolument rien de tout cela ne s'entendra au paradis, ni même le moindre mensonge ou menteur. La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Là-bas, ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, en récompense de la part de ton Seigneur et à titre de don mérité en fonction de ce qu'ils œuvraient. Telle sera la reddition des comptes des croyants, en récompense pour ce qu'ils accomplissaient de leur vivant, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que par générosité de sa part envers eux. Allah azza wa jalla a dit concernant les croyants, exposant ce qu'il a préparé pour eux consécutivement à leur favorable décompte, et par bonté de sa part, inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Certes, les pieux seront au paradis dans des jardins dans lesquels coulent des ruisseaux, et dans un lieu de séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Tel sera l'aboutissement de leur décompte qu'Allah leur accordera de par sa générosité. Voilà donc le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous œuvriez par le passé. Du même ordre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَ قُطُوفُهَا دَانِيَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Quant à celui à qui on remettra le registre de ses œuvres dans sa main droite, il s'exclamera « Oh vous les gens, regardez donc, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Celui-là jouira d'une vie paisible dans des jardins haut placés au paradis, dont les fruits sont à portée de la main. Il leur sera dit « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Celui qui se remet en question et se juge personnellement se sent continuellement observé et surveillé par le Seigneur des mondes. Il ne prononce pas une seule parole sans qu'il ne réfléchisse au préalable sur son poids auprès d'Allah et de ses conséquences. Il ne prononce aucune parole sans qu'il n'y ait auprès de lui un observateur sans cesse présent, un ange qui recense ses œuvres. Celui qui se juge par lui-même en tire comme avantage que cela l'incite et le pousse à accomplir des bonnes œuvres. Quiconque donc fait un bien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, le verra. Juge-toi donc personnellement, ô toi le musulman, que cela concerne tes paroles ou tes actions, ce que tu prends ou ce que tu délaisses, de nuit comme de jour, et également concernant ta famille et les gens dont tu es responsable, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout berger est responsable de son troupeau. Tel est le procès qui est véritablement utile à l'être humain, duquel Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de tirer profit le jour de la résurrection, en se remettant en question, quant à son obéissance envers Allah, dans toutes ses actions, petites ou grandes, et en méditant sur ce qui lui sera présenté le jour du jugement dernier. Voilà donc ce qu'il incombe aux musulmans. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Que la prière d'Allah soit sur lui en abondance ainsi que la paix. Aussi, certaines personnes auront le privilège d'entrer au paradis sans avoir à rendre des comptes. Et parmi les caractéristiques de ces gens-là, il y a ce qui a été évoqué dans le hadith rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Dans le récit d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a certes été exposé l'ensemble de l'humanité. J'ai ainsi vu certains prophètes qui étaient accompagnés d'une ou de deux personnes. Et j'ai vu d'autres prophètes qui étaient accompagnés d'une dizaine de personnes. » De même que j'ai vu certains prophètes qui étaient accompagnés de personnes. Puis on me montra au loin une énorme foule de gens. On me dit alors, il s'agit là de la communauté de Moussa, le prophète Moïse. Et regarde à présent vers l'horizon. Je regardais. C'est ainsi que je vis une masse de gens encore plus grande. On me dit alors, voilà ta communauté. Et il se trouve parmi eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans avoir à rendre de compte ni subir le moindre châtiment. Ibn Abbas dit, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans son appartement. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam se mirent alors à polémiquer au sujet de ces gens qui entreront directement au paradis. Certains d'entre eux dirent ainsi, il s'agit de ceux qui auront été les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres de dire, il s'agit plutôt de ceux qui auront naquis dans l'islam et qui n'auront jamais commis le moindre mal. C'est-à-dire que ces gens auront vécu depuis toujours dans l'islam et le monothéisme et n'auront jamais pratiqué de leur vie le shirk, le polythéisme. Puis le prophète sortit à eux et leur dit, au sujet de quoi discutez-vous? Ils l'informèrent ainsi. Il leur dit alors, il s'agit de ceux qui ne demandent jamais qu'on leur fasse de l'orqia, forme d'exorcisme consistant à remédier à la maladie à travers la récitation de versets coraniques et d'invocations. Ni ne croient aux superstitions et aux augures, et qui placent totalement leur confiance en leur Seigneur. Voilà donc la cause de leur réussite et de leur privilège, ainsi que de leur entrée au paradis sans avoir à rendre le moindre compte. à savoir leur forte foi et confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le fait de placer toute sa confiance en Allah, voilà en quoi consiste le vrai tawhid, le monothéisme pur. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Et courions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devons suivre? Et nous endurerons et patienterons assurément face aux persécutions que vous nous faites subir. Et c'est en Allah que doivent placer leur confiance ceux qui s'en remettent vraiment à lui. Le fait de s'en remettre à Allah est donc une affaire des plus importantes. Voilà donc quelques exemples concernant les gens qui seront préservés du châtiment d'Allah. Et il en est de même quant aux exemples de ceux qui subiront une dure reddition de leur compte, qui se fera rapidement et qui sont inattentifs au fait qu'ils rendront des comptes. Et cette affaire est assurément dangereuse aux serviteurs d'Allah. Que le muslim craigne donc Allah dans sa propre personne et qu'il se juge lui-même et fasse le décompte de ses propres actions avant de devoir rendre des comptes. Ne fais donc pas en sorte que les gens te demanderont des comptes le jour du jugement dernier, mais remets-toi plutôt en compte maintenant, personnellement, et de toi-même, pendant qu'il en est encore temps. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Car il est certes votre Seigneur, pardonneur pour ceux qui reviennent à lui repentant. Donc si tu aurais malheureusement commis un péché ou une quelconque erreur, ou que tu te sois quelque peu écarté d'une vérité, juge-toi personnellement. Arrête-toi un moment avec ta propre personne. Cela te permettra peut-être de sauver ta peau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est véritablement en cela que consiste le fait de se savoir observer et surveiller par Allah. Et voilà la véritable intelligence. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوْمِ إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Et celui qui avait cru, le messager, dit: Ô mon peuple, suivez-moi donc, je vous guiderai sur le sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie d'ici-bas n'est que jouissance temporaire et éphémère, tandis que l'au-delà est la demeure perpétuelle et éternelle. Quiconque donc aura accompli une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent. Et quiconque aura accompli une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis, dans lequel il leur sera accordé toutes sortes de subsistances sans compter. Place donc ces versets devant tes yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint: فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ. Et quand vous aurez achevé vos rites du pèlerinage, alors invoquez Allah avec autant d'ardeur que lorsque vous invoquiez vos pères durant la Jahiliya, l'époque anté-islamique, et plus ardemment encore. Mais il y en a parmi les gens qui se contentent de dire: Ô notre Seigneur, accorde-nous telle et telle chose dans cette vie d'ici-bas. À cela, nulle part dans l'au-delà ne leur sera accordé. Tandis que d'autres parmi eux disent: Ô notre Seigneur, accorde-nous de bonnes choses ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu de l'enfer. À cela, il leur sera accordé leur part de récompense en fonction de ce qu'ils auront acquis comme œuvre ici-bas. Et Allah fait les comptes rapidement. C'est-à-dire qu'on ne leur accordera pas leur récompense après un long temps, mais qu'ils seront récompensés plutôt rapidement, de sorte à ce qu'entre eux et le moment où ils jureront de leur récompense, il n'y ait que l'instant de leur mort. Comme cela a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est plus proche de l'un de vous que ne le sont les lacets de ses chaussures de lui. Et il en est de même pour l'enfer. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwa al-qahiru فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Et c'est lui Allah qui vous fait mourir d'une petite mort en reprenant vos âmes la nuit en sachant parfaitement ce que vous avez fait durant la journée puis il vous redonne la vie le lendemain matin et ainsi de suite jusqu'à ce que n'arrive votre terme de vie fixé la mort c'est ensuite vers lui que sera votre retour il vous informera alors de ce que vous accomplissiez durant toute votre vie et il est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs les êtres humains et il envoie vers vous des anges gardiens puis lorsque la mort frappe l'un de vous nos messagers l'ange de la mort et ses assistants lui retirent son âme sans aucune négligence puis ces derniers sont ramenés vers Allah leur vrai maître c'est à lui qu'appartient le jugement absolu et il est le plus rapide à faire le décompte il est celui qui est le plus prompt à faire les comptes entre le tyran et l'opprimé et il est celui qui est le plus prompt à faire les comptes entre celui qui mérite d'entrer au paradis et celui qui mérite d'aller en enfer il jugera ainsi et décidera pour l'un qu'il entrera au paradis et pour l'autre qu'il aille en enfer subhanahu wa ta'ala il est le plus rapide dans l'établissement des comptes même entre les bestiaux entre la bête qui aura donné injustement un coup de corne à une autre bête et cette dernière à qui il sera rendu justice il est ainsi le plus rapide à faire les comptes et Il s'agit là donc d'une affaire qui mérite que l'on médite dessus. Et quiconque aura fait preuve d'inattention à son sujet courra à la perdition. Certes, le fait de ne pas prêter attention à la reddition des comptes le jour de la résurrection mène à la perdition, comme cela a été rapporté dans le récit de Aïcha radiallahu anha. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin.